L'actualité à Nancy et ailleurs. La compagnie Bulle de Rêve présente le jeudi 8 juillet le spectacle « Quoique la princesse casse-cou ». Ça va se passer à la MJC Pichon. Et pour nous en parler, eh bien nous avons David Masson au téléphone. Bonjour David. Bonjour. Et bienvenue donc sur Fadjet pour parler de ce spectacle, aussi de la compagnie et de vos projets aussi. La compagnie Bulle de Rêve, dites-nous un peu quand et comment a commencé l'aventure de cette compagnie Bulle de Rêve. Alors, l'aventure de la compagnie a commencé en 2004, en sortant de mes études de théâtre avec mon grand frère, Loïc. On a décidé de monter un spectacle pour un festival étudiant. Et puis, à la suite de ce spectacle, on a décidé de monter notre compagnie, donc qui s'appelle Bulle de Rêve, qui existe donc depuis bientôt 17 ans. Et on s'est spécialisé en théâtre jeune public il y a 8 ans maintenant. C'est un vrai choix de notre part, parce que c'est un public qu'on apprécie beaucoup. Et maintenant, on fait essentiellement donc du spectacle jeune public. On fait du spectacle pour les tout petits, pour les 0-4 ans, et du spectacle pour les un peu plus grands, donc pour les 4-10 ans. Et à côté, on encadre différentes compagnies. On fait du spectacle pour adultes. On a produit plusieurs seuls en scène, one-man show, et puis un duo aussi avec une comédienne qui s'appelle Gwen Galbert, qui travaille avec nous et qui sera la princesse casse-cou de ce fameux spectacle qu'on donne à Pichon le 8 juillet. Voilà, quoi qu'est la princesse casse-cou, le 8 juillet, il y aura deux séances hein, le jour-là à 10h et 15h. Ce spectacle, là, il s'adresse à quel public ? Les tout petits ? À partir de 3 ans. De 3 à 10 ans et plus, puisque Quoique est un personnage qui fait rire aussi les adultes. Quoique, c'est notre personnage fétiche de la compagnie. En fait, toutes nos aventures tournent autour de ce personnage-là que j'interprète. Et à chaque fois, il est entouré de plusieurs autres personnages. Donc Pantin, qui est joué par mon frère. Et puis différents personnages, des fois donc incarné par Gwen, des femmes. Cette fois, c'est une princesse. Et Quoique la princesse casse-cou suit l'histoire de Quoique qui n'arrive pas à s'endormir, qui trouve un livre magique et qui, en l'ouvrant, fait apparaître dans sa chambre cette fameuse princesse qui a besoin de lui pour délivrer son royaume des griffes d'un monstre, le monstre Grablotin. Et puis après, on suit toute l'aventure de Quoique. C'est un spectacle qui mêle théâtre sur scène et vidéo, parce qu'il y a une partie de l'aventure qui se passe derrière un écran. Voilà, donc c'est un mélange des genres avec un combat à l'épée, plein de choses, plein de surprises. Voilà, et forcément, ça va toucher ce jeune public, et peut-être aussi un peu les plus grands, j'imagine aussi. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui attire aussi les parents pour nos spectacles, c'est qu'on a toujours plus ou moins des doubles discours et Quoique un personnage assez espiègle et qui fait rire aussi les parents sur d'autres aspects du spectacle. Voilà, puis c'est des spectacles qui sont assez riches. On travaille énormément avec les lumières, la musique. Il se passe toujours beaucoup de choses. Donc, pour les plus petits comme les plus grands, il y a toujours quelque chose à apprendre à un moment du spectacle. Vous avez fait ce choix de vous adresser donc à un public plus jeune. Ce choix, il est venu comment ? Alors, le tout premier spectacle de la compagnie était un spectacle donc avec Quoique, qui s'appelait Le Grenier de Quoique et qui était adressé à tout public, mais un petit peu aux enfants aussi. Mais on s'est aperçu assez vite du potentiel de ce personnage-là par rapport au potentiel affectif qu'il pouvait représenter pour les enfants. Et on a eu l'occasion d'entrer dans un réseau de café-théâtre. À l'époque, il y avait la Comédie de Nancy qui programmait aussi énormément de spectacles jeunes publics. Et on a commencé à écrire d'autres spectacles avec ce personnage-là. Et ça nous a vraiment plu, comme à nous, comme au public. Et du coup, on a développé ces thématiques-là avec ce personnage. Et puis, on est venu ensuite aux tout petits, parce qu'il y a très peu de spectacles pour les crèches. C'est un public encore différent. Et nous, on joue aussi pour les tout petits, donc de 6 mois à 4 ans. Donc, c'est assez magique. voilà, toujours avec ce travail de couleur, de musique, d'éveil. C'est un vrai choix. Avec mon frère Loïc, on aime ce public-là. On aime le fait que ça passe ou que ça casse. On n'a pas d'autre choix que de faire du bon travail. Comment vous partagez le travail entre frères, justement ? Il y en a plus la mise en scène, l'autre plus l'écriture, ou c'est un mélange des deux ? Alors c'est un mélange, mais on est assez complémentaires. On joue et on écrit tous les deux. On met en scène aussi tous les deux, mais on se répartit maintenant, il y a à peu près toujours de la même façon. J'écris souvent le texte, Loïc fait toute la composition musicale et technique, parce qu'il est aussi compositeur à côté. Et ensuite, on se met en scène à tour de rôle, et puis quand on est trois avec Gwen, ça tourne un peu comme ça entre nous. C'est toujours un travail qui s'équilibre. On a plus ou moins nos tâches, mais on est vraiment complémentaires. Ça, c'est la force de la compagnie. C'est le premier spectacle que vous jouez depuis la fin des confinements et des restrictions? Alors, ça va être le premier spectacle en public. Ouais. On a réussi à reprendre il y a 3 semaines dans les établissements scolaires, puisqu'on joue énormément en école. Donc là, on en est une trentaine de dates depuis qu'on a repris. Déjà en école. Ouais, ça a repris d'un coup. Tout le monde attendait ça avec impatience. Nous les premiers, et puis les enfants aussi. Et là, ce seront nos premières dates publiques. Donc à la MJC Pichon, et puis on a profité de ce confinement pour créer un autre spectacle qui s'appelle L'Échappée, qui là pour les un peu plus grands, pour les 6 ans et plus et tout public, qui est un spectacle de plein air et qu'on va avoir la chance de jouer aussi plusieurs fois cet été, dont le 18 juillet au Jardin Botanique de Nancy, voilà, qui ouvre un amphithéâtre extérieur. Donc voilà, on va enfin pouvoir retrouver des publics. Et pour en savoir plus sur L'Échappée, de quoi ça parle ? Alors L'Échappée, c'est un spectacle un peu hybride entre danse et théâtre, qui est un spectacle court, 35 minutes environ, qui est l'histoire d'un personnage qui est plus ou moins obligé de rester chez lui, un peu une métaphore du confinement, mais voilà, ça va être toutes les émotions qu'il a traversées pendant plusieurs temps dans son intérieur. Et voilà, c'est toutes ces émotions-là qui sont représentées soit en danse, soit en jeu, soit en texte avec une voix off qui l'accompagne. Donc c'est un spectacle assez poétique sur un peu ce qu'on a vécu tous ces derniers mois. Voilà, L'Échappée, ça, ce sera le 18 juillet, en après-midi, au Théâtre de Verdure de Jardin Botanique. Et là, l'accès est libre pour venir voir votre spectacle. Et prochaine date, tout près, pour les plus petits, à partir de 3 ans, vous l'avez dit, c'est le jeudi 8 juillet, avec 2 séances à 10h et 15h à la MJC Pichon. Pourquoi qu'est la princesse casse-cou ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce redémarrage qui a déjà bien redémarré déjà pour vous ? Eh bien, que ça ne s'arrête pas, qu'on puisse continuer à faire attention dans les mois qui viennent pour qu'on puisse continuer à reprendre notre activité. On attendait ça avec impatience. David, si on veut avoir plus d'infos, connaître vos prochaines dates et vous contacter éventuellement, comment on fait pour contacter la compagnie Bulle de Rêve ? Alors, vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.ciebulledereve.com, bulle au pluriel et rêve au singulier. Et on est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Merci beaucoup, David. Ben, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.